Lettre 13e de Sainte-Croix, le 24 octobre 1817. Nous sommes condamnés à une quarantaine de 8 jours, et je doute fort que notre relâche soit assez longue pour nous donner le temps de gravir le fameux pic, ou de faire des courses dans l'intérieur de l'île. J'emploie mes instants de loisir aux recherches sur les premiers habitants de cet archipel et sur les événements qui l'ont soumis à la couronne d'Espagne. Jean de Bétancourt, secondé de quelques Normands et Gascons, aventurier heureux, conquis en 1402 Lanzarote, Fortaventure et Gomère. Ces tentatives ne furent pas heureuses sur les îles voisines, puisque la Grande Canarie et Ténérife ne furent soumises que 80 ans après et coûtèrent beaucoup de sang à cause de la défense héroïque des Guanches, premiers habitants de toutes ces îles. Le roi de France, trop occupé de ses guerres avec les Anglais, ne put donner aucun appui à son chambellan, qu'il oublia, le croyant en enfer, parce qu'on nommait alors Tenerife Inferno, probablement à cause de ses volcans. Ce fut Henri III, roi de Castille, qui lui fournit quelques secours à la suite desquels le pape se hâta de lui envoyer un évêque et de le reconnaître roi feudataire du Saint-Siège et vassal du roi qu'il avait soutenu et couronné. On peut remarquer en passant que les grands génies de tous les temps ont rarement trouvé des soutiens dans leur pays, et que beaucoup de découvertes, dues à l'audace et à la persévérance, ont été la conquête de protecteurs étrangers. La mort seule rend un grand homme à son pays. Ce Bory de Saint-Vincent, qu'un zèle étonnant et de prodigieux travaux ont placé à côté de nos savants les plus distingués, dans son grand ouvrage, modestement intitulé « Essai sur les îles fortunées », et qu'il composa à l'âge de 20 ans, a donné une histoire complète du pic de Tenerife envisagé sous tous ses points de vue. Il a rapporté tout ce qu'on avait écrit jusqu'à lui, en ajoutant à ses relations comparées et discutées ses propres observations avec un catalogue fort étendu des productions zoologiques, botaniques et minéralogiques de Tenerife. Il retrouve dans cette île et dans les archipels voisins le véritable mont Atlas de l'Antiquité, les Hespérides et leurs jardins ornés de pommes d'or, les Gorgones et le séjour de leur reine Méduse, les Champs-Élysées, les îles purpuriennes, enfin l'antique Atlantide de Platon et le berceau de ce peuple atlante qui civilisa la terre après l'avoir conquise, mais dont les éruptions volcaniques ont anéanti les monuments et détruit jusqu'au souvenir. Les archipels occidentaux de l'ancien continent, dit-il en terminant son excellent ouvrage, nous offrent donc les débris d'une terre célèbre dont l'avare océan engloutit les richesses, les villes et les monuments. Les Guanches, qui habitaient le principal de ces archipels, furent, n'en doutons pas, les derniers rejetons de ces enfants d'Atlas qui éclairèrent le monde, tantôt en fugitifs, tantôt en conquérants. Ainsi, nul peuple n'eut une origine plus respectable que celui dont les Espagnols n'ont laissé d'autres vestiges que des momies de ses pères. Il n'existe plus de l'Atlantide que des rochers, des volcans épars, sur une mer immense. Il ne reste les Atlantes qu'un nom retentissant dans l'Antiquité et quelques traces incertaines qu'enveloppent des ténèbres toujours croissantes. Il en sera de même des nations d'aujourd'hui. Les peuples ainsi que les générations vieillissent et s'effacent. Une de ces grandes révolutions qui bouleversent de temps à autre la surface du globe pourra renverser ces dominations où notre orgueil n'entrevoit pas de terme. À peine restera-t-il dans le passé d'alors un souvenir confus de notre gloire et de nos revers. De nouveaux peuples à leur tour méditeront sur nos ruines et se demanderont si l'Europe exista. Il est possible que M. Bory de Saint-Vincent trouve quelques contradicteurs, mais s'il se trompe, il est difficile de le faire avec plus d'éloquence. M. de Humboldt et l'indulgente amitié dont il m'honore m'enhardit à citer un nom qu'illustre tant de connaissances et de travaux, M. de Humboldt a visité le pic de Tenerife et son cratère. N'est-ce pas dire que le cratère et le pic n'ont plus rien de caché ?